Chapitre 1. De la part de Paul, qui est serviteur de Jésus-Christ, et que Dieu a appelé à être apôtre en le choisissant pour annoncer sa bonne nouvelle. Dieu avait promis cette bonne nouvelle depuis longtemps dans les Saintes Écritures, par l'intermédiaire de ses prophètes. Elle se rapporte à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'homme, il était descendant du roi David. Mais selon l'Esprit Saint, il a été manifesté Fils de Dieu avec puissance quand il a été ressuscité d'entre les morts. Par lui, Dieu m'a accordé la faveur d'être apôtre pour l'honneur du Christ, afin d'amener des hommes de toutes les nations à croire en lui et à lui obéir. Vous faites aussi partie de ces hommes, vous que Dieu a appelés pour que vous apparteniez à Jésus-Christ. Je vous écris à vous qui habitez Rome, vous tous que Dieu aime et qu'il a appelés à vivre pour lui. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. Tout d'abord, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. Dieu sait que je dis vrai, lui que je sers de tout mon cœur, en annonçant la bonne nouvelle qui concerne son Fils. Il sait que je me souviens toujours de vous toutes les fois que je prie. Je demande à Dieu que, par sa volonté, il me soit enfin possible de me rendre chez vous. Car je désire beaucoup vous voir, afin de vous apporter un don de l'Esprit Saint pour vous rendre fort. Plus encore, je désire être parmi vous pour que nous recevions ensemble un encouragement, moi par votre foi et vous par la mienne. Je veux que vous sachiez, frères, que j'ai souvent fait le projet de me rendre chez vous, mais j'en ai été empêché jusqu'à présent. Je souhaitais que mon travail produise un résultat chez vous aussi, comme il en a produit parmi les autres nations du monde. Car c'est mon devoir d'aller auprès de tous, les civilisés comme les non-civilisés, les gens instruits comme les ignorants. C'est pourquoi j'ai ce désir de vous apporter la bonne nouvelle à vous aussi qui habitez Rome. Car je suis fier d'annoncer la bonne nouvelle. Elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient, les juifs d'abord, mais aussi ceux qui ne sont pas juifs. En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les hommes justes devant lui. C'est par la foi seule, du commencement à la fin, comme l'affirme l'Écriture. Celui qui est juste aux yeux de Dieu par la foi vivra. En effet, Dieu manifeste sa colère depuis le ciel sur tout péché et tout mal commis par les hommes qui, par leurs mauvaises actions, empêchent la vérité d'agir. Dieu les punit, car ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même le leur a montré clairement. En effet, depuis qu'il a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient dans les œuvres qu'il a faites. C'est là que les hommes peuvent les connaître, de sorte qu'ils sont sans excuse. Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas et ne le remercient pas comme il convient de le faire pour Dieu. Au contraire, leurs pensées sont devenues stupides et leur cœur insensé s'est rempli d'obscurité. Ils déclarent être savants, mais ils sont fous. Au lieu d'adorer la gloire du Dieu immortel, ils ont adoré des images représentant l'homme mortel, des oiseaux, des animaux à quatre pattes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des actions impures, selon les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils se conduisent d'une façon honteuse les uns avec les autres. Ils échangent la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils adorent et servent ce que Dieu a créé au lieu du Créateur lui-même, qui doit être loué pour toujours. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions honteuses. Leurs femmes elles-mêmes changent les relations naturelles en des relations contre nature. De même, les hommes abandonnent les relations naturelles avec la femme et brûlent de désir les uns pour les autres. Les hommes commettent des actions honteuses les uns avec les autres et reçoivent ainsi eux-mêmes le châtiment que mérite leur égarement. Comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée

plus une seule. Pourquoi? Parce qu'ils obéissent à ce qu'ordonne la loi? Non, mais parce qu'ils croient. Car nous estimons qu'un homme est rendu juste devant Dieu à cause de sa foi, et non parce qu'il obéit à ce qu'ordonne la loi. Ou bien Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des autres peuples? Bien sûr, il l'est aussi des autres peuples, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il va rendre justes les Juifs à cause de leur foi, et les non-Juifs également par la foi. Cela signifie-t-il que par la foi, nous enlevons toute valeur à la loi? Bien au contraire, nous donnons à la loi sa vraie valeur. Chapitre 4. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu? Si Abraham avait été reconnu juste par Dieu à cause des œuvres qu'il a accomplies, il pourrait s'en vanter. Mais il ne peut pas se vanter devant Dieu. En effet, l'Écriture déclare « Abraham crut en Dieu, et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. » L'homme qui travaille reçoit un salaire. Ce salaire ne lui est pas compté comme un don gratuit, il lui est dû. Mais quand un homme, sans accomplir de travail, met simplement sa confiance en Dieu qui juge favorablement le pécheur, Dieu tient compte de sa foi pour le considérer comme juste. C'est ainsi que David parle du bonheur de l'homme que Dieu considère comme juste, sans tenir compte de ses œuvres. Heureux sont ceux dont Dieu a pardonné les fautes et dont il a effacé les péchés. Heureux est l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Ce bonheur existe-t-il seulement pour les hommes circoncis? N'existe-t-il pas aussi pour les non-circoncis? Nous venons de dire que Dieu considéra Abraham comme juste en tenant compte de sa foi. Quand cela s'est-il passé? Après qu'Abraham eut été circoncis, ou avant qu'il le soit? Non pas après, mais avant. Abraham reçut plus tard la circoncision comme un signe. C'était la marque indiquant que Dieu l'avait considéré comme juste à cause de sa foi, avant qu'il ait été circoncis. Abraham est ainsi le père de tous ceux qui croient en Dieu sans être circoncis, et que Dieu considère comme juste. Il est également le père de ceux qui sont circoncis, c'est-à-dire de ceux qui ne se contentent pas de l'être, mais suivent l'exemple de la foi qu'a eu notre père Abraham avant d'être circoncis. Dieu a promis à Abraham et à ses descendants qu'ils recevraient le monde comme héritage. Cette promesse a été faite non parce qu'Abraham avait obéi à la loi, mais parce qu'il a été considéré comme juste par Dieu à cause de sa foi. Si ceux qui obéissent à la loi étaient les seuls à recevoir l'héritage, alors la foi serait inutile et la promesse de Dieu serait sans valeur. Car la loi amène la colère de Dieu, mais là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de désobéissance à la loi. Ainsi la promesse a été faite à cause de la foi, afin que ce soit un don gratuit de Dieu, et qu'elle soit valable pour tous les descendants d'Abraham, non pas seulement pour ceux qui obéissent à la loi, mais aussi pour ceux qui croient, comme Abraham a cru. Abraham est notre père à tous, comme le déclare l'Écriture, « J'ai fait de toi le père de beaucoup de peuples ». Il est notre père devant Dieu en qui il a cru, le Dieu qui rend la vie aux morts et fait exister ce qui n'existait pas. Abraham a cru et espéré, alors qu'il n'y avait pas d'espoir. Et il devint ainsi le père de beaucoup de peuples, selon ce que Dieu lui avait dit, « Tel sera le nombre de tes descendants ». Il avait environ 100 ans, mais sa foi ne faiblit pas quand il pensa à son corps qui était déjà comme mort, et à Sarah, sa femme, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Il ne perdit pas foi et ne douta pas de la promesse de Dieu. Au contraire, sa foi le fortifia Et il loua Dieu. Il était absolument certain que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. Voilà pourquoi Abraham, à cause de sa foi, fut considéré comme juste par Dieu. Mais ces mots, il fut considéré comme juste, n'ont pas été écrits seulement pour lui. Ils ont été écrits aussi pour nous, qui devons être considérés comme justes, nous qui croyons en celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur. Il a été livré à la mort à cause de nos péchés, et il est ressuscité pour nous rendre justes devant Dieu. Chapitre 5. Ainsi nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de la foi, et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. Par Jésus, nous avons pu, au moyen de la foi, nous approcher de la grâce de Dieu dans laquelle nous sommes maintenant établis. Et ce qui nous donne de la joie, c'est l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous réjouissons, même dans nos souffrances, car nous savons que la souffrance produit la patience produit la résistance à l'épreuve, et la résistance, l'espérance. Chapitre 6. Que dirons-nous donc? Devons-nous continuer à vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu soit plus abondante? Certainement pas. Nous sommes morts au péché. Comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous tous, qui avons été baptisés pour être unis à Jésus-Christ, nous avons été baptisés en étant unis à lui dans sa mort? Par le baptême, donc, nous avons été enterrés avec lui pour être morts avec lui, afin que, tout comme Christ est ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Sachons bien ceci, l'homme que nous étions auparavant a été mis à mort avec Christ sur la croix, afin que notre être pécheur soit détruit et que nous ne soyons plus les esclaves du péché. Car celui qui est mort est libéré du péché. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous savons en effet que Christ, depuis qu'il est ressuscité, ne doit plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. En mourant, il est mort au péché une fois pour toutes. Mais dans la vie qui est maintenant la sienne, il vit pour Dieu. De même, vous aussi, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Le péché, donc, ne doit plus régner sur votre corps mortel pour vous faire obéir aux désirs de ce corps. Ne mettez plus les diverses parties de votre corps au service du péché comme des instruments pour accomplir le mal. Au contraire, offrez-vous à Dieu comme des hommes revenus de la mort à la vie et mettez-vous tout entier à son service comme des instruments pour accomplir ce qui est juste. Car le péché ne doit pas régner sur vous, puisque vous n'êtes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu. Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas soumis à la loi, mais à la grâce de Dieu? Certainement pas. Vous savez bien que si vous vous mettez au service de quelqu'un pour lui obéir, vous devenez les esclaves du maître auquel vous obéissez, ou bien du péché qui conduit à la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste devant Dieu. Mais Dieu soit loué. Vous qui étiez auparavant esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle contenu dans l'enseignement que vous avez reçu. Vous avez été libéré du péché et êtes devenu esclave de la justice. J'emploie cette façon humaine de parler à cause de votre faiblesse naturelle. Auparavant, vous vous étiez mis tout entier comme des esclaves au service de l'impureté et du mal pour vivre dans le désordre. De même, maintenant, mettez-vous tout entier comme des esclaves au service de la justice pour vivre d'une manière sainte. Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libre par rapport à la justice. Qu'avez-vous gagné à commettre alors des actes dont vous avez honte maintenant? Ces actes mènent à la mort. Mais maintenant, vous avez été libéré du péché. Et vous êtes au service de Dieu. Vous y gagnez d'être dirigé dans une vie sainte et de recevoir, à la fin, la vie éternelle. Car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle, dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. Chapitre 7. Frères, vous savez sûrement déjà ce que je vais vous dire, car vous connaissez la loi. La loi a de l'autorité sur un homme seulement tant qu'il vit. Par exemple, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il vit. Mais si le mari meurt, elle est libérée de la loi qui la liait à lui. Si donc elle devient la femme d'un autre homme, alors que son mari est vivant, on l'appellera adultère. Mais si son mari meurt, elle est libre par rapport à la loi, de sorte qu'elle peut devenir la femme d'un autre homme sans être adultère. Il en va de même pour vous, mes frères. Vous êtes morts à l'égard de la loi, en étant unis au corps du Christ, pour appartenir à un autre. Vous appartenez maintenant à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous produisions des œuvres utiles pour Dieu. En effet, quand nous vivions selon notre nature humaine, les désirs mauvais excités par la loi agissaient dans notre être tout entier et nous conduisaient à la mort. Mais maintenant, nous sommes libérés de la loi car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers. Nous pouvons ainsi servir Dieu d'une façon nouvelle, sous l'autorité de l'Esprit Saint et non plus à la façon ancienne, sous l'autorité de la loi écrite. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certainement pas. Mais la loi m'a fait connaître ce qu'est le péché. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». Le péché a saisi l'occasion offerte par le commandement pour produire en moi toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché et chose morte. Autrefois, sans la loi, j'étais vivant. Mais quand le commandement est intervenu, le péché a pris vie, et moi je suis mort. Le commandement qui devait conduire à la vie s'est trouvé, dans mon cas, conduire à la mort. Car le péché a saisi l'occasion, il m'a trompé au moyen du commandement, et il m'a fait mourir par ce même commandement. Ainsi, la loi elle-même est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon, est-il devenu alors une cause de mort pour moi? Certainement pas. C'est le péché qui en a été la cause. Il a fait apparaître ainsi sa véritable nature de péché. Il a utilisé ce qui est bon pour causer ma mort. Et voilà comment le péché est devenu, au moyen du commandement, plus gravement péché que jamais. Nous savons que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis un homme faible, vendu comme un esclave au péché. Je ne comprends pas ce que je fais, car je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais je fais ce que je déteste. Si ce que je fais, je ne le veux pas, je reconnais ainsi que la loi est bonne. Ce n'est donc pas moi qui agis ainsi,

réalisera complètement et rapidement sa parole sur la terre. Et comme le même Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur Tout-Puissant ne nous avait pas laissé quelques descendants, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorre. Que dirons-nous donc? Ceci. Des hommes qui ne sont pas juifs et qui ne cherchaient pas à se rendre justes devant Dieu ont été rendus justes devant lui par la foi. Tandis que les membres du peuple d'Israël qui recherchaient une loi leur permettant d'être justes devant Dieu n'ont pas atteint le but de la loi. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchaient pas à être agréables à Dieu par la foi, ils pensaient l'être par des œuvres. Ils se sont heurtés à la pierre qui fait trébucher dont parle l'Écriture. Voyez, je pose en Sion une pierre qui fait trébucher, un rocher qui fait tomber. Mais celui qui croit en lui ne sera pas déçu. Chapitre 10. Frères, ce que je désire de tout mon cœur et que je demande à Dieu pour les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Car je peux déclarer en leur faveur qu'ils sont pleins de zèle pour Dieu, mais leur zèle n'est pas éclairée par la connaissance. En effet, ils n'ont pas compris comment Dieu rend les hommes justes devant lui, et ils ont cherché à établir leur propre façon d'être justes. Ainsi, ils ne se sont pas soumis à la façon dont Dieu rend les hommes justes. Car le Christ a amené la loi de Moïse à sa fin pour que tous ceux qui croient soient rendus justes devant Dieu. Voici ce que Moïse a écrit au sujet de la possibilité d'être rendu juste devant Dieu par l'obéissance à la loi. L'homme qui met en pratique la loi vivra par elle. Mais voilà comment il est parlé de la possibilité d'être juste devant Dieu par la foi. Ne dis pas en toi-même « qui montera au ciel », c'est-à-dire pour en faire descendre le Christ. Ne dis pas non plus « qui descendra dans le monde d'en bas », c'est-à-dire pour faire remonter Christ d'entre les morts. Qu'est-il dit alors? Ceci. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole est le message de la foi que nous prêchons. Si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car l'homme croit dans son cœur et Dieu le rend juste devant lui. L'homme affirme avec sa bouche, et Dieu le sauve. L'Écriture déclare en effet, « Tout homme qui croit en lui ne sera pas déçu. » Ainsi, il n'y a pas de différence entre les Juifs et les non-Juifs. Ils ont tous le même Seigneur qui donne ses biens à tous ceux qui l'invoquent. Car, comme le déclare l'Écriture, tout homme qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment l'invoqueront-ils sans avoir cru en lui? Et comment croiront-ils en lui sans en avoir entendu parler? Et comment en entendront-ils parler si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on s'il n'y a pas des hommes envoyés pour cela? Comme le déclare l'Écriture, qu'il est beau de voir venir ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas accepté la bonne nouvelle. Ésaïe dit en effet, « Seigneur, qui a cru notre message ?» Ainsi, la foi vient de ce qu'on écoute le message, et le message est l'annonce de la parole du Christ. Je demande alors, n'auraient-ils pas entendu ce message? Mais oui, ils l'ont entendu. L'Écriture déclare, La voix des messagers de Dieu s'est fait entendre sur toute la terre, et leurs paroles ont atteint les régions les plus lointaines du monde. Je demande encore, le peuple d'Israël n'aurait-il pas compris? Comme réponse, voici d'abord ce qu'annonce Moïse. Je vous rendrai jaloux de ceux qui ne sont pas une vraie nation, dit Dieu. J'exciterai votre colère contre une nation sans intelligence. Plus encore, Ésaïe ose proclamer, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, dit Dieu. Je me suis montré à ceux qui ne me demandaient rien. Mais au sujet d'Israël, il annonce, tout le jour j'ai tendu les mains vers un peuple désobéissant et rebelle. Chapitre 11. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Certainement pas. Car je suis moi-même israélite, descendant d'Abraham, membre de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance comme sien. Vous savez, n'est-ce pas, ce que dit l'Écriture dans le passage où Élie se plaint d'Israël devant Dieu. Seigneur, ils ont tué tes prophètes et démoli tes autels, je suis resté moi seul, et ils cherchent à me tuer. Mais que lui répondit Dieu? J'ai gardé pour moi 7000 hommes qui ne se sont pas mis à genoux devant le Dieu Baal. De même, dans le temps présent, il reste un petit nombre de gens que Dieu a choisis par bonté. Il les a choisis à cause de sa bonté et non pas à cause de leurs actions. Sinon, la bonté de Dieu ne serait pas vraiment de la bonté. Que dire alors? Le peuple d'Israël n'a pas obtenu ce qu'il recherchait. Seuls ceux que Dieu a choisis l'ont obtenu. Les autres sont devenus incapables de comprendre, comme le déclare l'Écriture. Dieu a rendu leur esprit insensible. Il a fait en sorte qu'ils ne voient pas avec leurs yeux et qu'ils n'entendent pas avec leurs oreilles jusqu'à ce jour. David dit aussi que leur repas soit pour eux un piège, une trappe, afin qu'ils tombent et soient punis. Que leurs yeux se ferment pour qu'ils ne voient plus. Fais-leur sans cesse courber le dos. Je demande donc, quand les Juifs ont trébuché, sont-ils tombés définitivement? Certainement pas. Mais à cause de leur faute, les autres peuples ont pu obtenir le salut, de manière à rendre les Juifs jaloux d'eux. Si la faute des Juifs a enrichi spirituellement le monde, et si leur abaissement a enrichi spirituellement les autres peuples, combien plus grand encore sera l'effet produit par leur complet retour au salut. Je m'adresse maintenant à vous qui n'êtes pas juifs. Je suis l'apôtre destiné au peuple non-juif, et en tant que tel, je me réjouis de la tâche qui est la mienne. J'espère ainsi exciter la jalousie des gens de ma race, pour en sauver quelques-uns. En effet, quand ils ont été mis de côté, le monde a pu être réconcilié avec Dieu. Qu'arrivera-t-il alors quand ils seront accueillis? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Si le premier morceau de pain est présenté à Dieu, tout le reste du pain lui appartient aussi. Si les racines d'un arbre sont offertes à Dieu, les branches lui appartiennent aussi. Le peuple d'Israël est comme un olivier cultivé, dont quelques branches ont été coupées. Toi qui n'es pas juif, tu es comme une branche d'olivier sauvage greffée à leur place. Tu profites maintenant aussi de la racine qui nourrit l'olivier cultivé. C'est pourquoi tu ne dois pas mépriser les branches coupées. Comment pourrais-tu te vanter? Ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu vas me dire, mais ces branches ont été coupées pour que je sois greffé à leur place. C'est juste. Elles ont été coupées parce qu'elles ont manqué de foi, et tu es à cette place en raison de ta foi. Mais garde-toi de l'orgueil. Crains plutôt. Car si Dieu n'a pas épargné les Juifs, qui sont des branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Remarque comment Dieu montre sa bonté et sa sévérité. Il est sévère envers ceux qui sont tombés, et il est bon envers toi. Mais il faut que tu demeures dans sa bonté, sinon tu seras aussi coupé comme une branche. Et si les Juifs renoncent à leur incrédulité, ils seront greffés là où ils étaient auparavant. Car Dieu a le pouvoir de les greffer de nouveau. Toi, qui n'es pas juif, tu es la branche naturelle d'un olivier sauvage. On l'a coupé et greffé, contrairement à l'usage naturel, sur un olivier cultivé. Les Juifs, eux, sont les branches naturelles de cet olivier cultivé. Il sera donc beaucoup plus facile de les greffer de nouveau sur l'arbre auquel ils appartenaient déjà. Frères, voici une vérité secrète que je veux vous faire connaître, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages. Une partie du peuple d'Israël est devenue incapable de comprendre, mais cela ne durera que jusqu'à ce que l'ensemble des autres peuples soit parvenu au salut. Et voilà comment tout Israël sera sauvé. Comme le déclare l'Écriture, le libérateur viendra de Sion. Il enlèvera toute méchanceté des descendants de Jacob, et voici l'alliance que je ferai avec eux quand j'ôterai leurs péchés. Si l'on considère comment les Juifs ont refusé la bonne nouvelle, ils sont les ennemis de Dieu pour votre bien. Mais si l'on considère le choix fait par Dieu, ils sont ceux que Dieu aime à cause de leurs ancêtres. Car Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné et ne change pas d'idée à l'égard de ceux qu'il a appelés. Autrefois, vous avez désobéi à Dieu, mais maintenant, vous avez connu la pitié de Dieu parce que les Juifs ont désobéi. De même, ils ont désobéi maintenant pour que la pitié de Dieu vous soit accordée, mais afin qu'eux aussi puissent connaître maintenant cette même pitié. Car Dieu a rendu tous les hommes prisonniers de la désobéissance afin de leur montrer à tous sa pitié. Que la richesse de Dieu est immense, que sa sagesse et sa connaissance sont profondes. Qui pourrait expliquer ses décisions? Qui pourrait comprendre ses plans? Comme le déclare l'Écriture, qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut être son conseiller? Qui a pu le premier lui donner quelque chose pour recevoir de lui un paiement en retour? Car tout vient de lui. Tout existe par lui et pour lui. À Dieu soit la gloire pour toujours. Amen. Chapitre 12. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa pitié pour nous, je vous demande de vous offrir vous-même comme un sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer par un changement complet de votre intelligence. Vous pourrez alors comprendre ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. À cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à vous tous,

Saluez également l'Église qui se réunit dans leur maison. Saluez mon cher Epaynette, qui fut le premier à croire au Christ dans la province d'Asie. Saluez Marie, qui a beaucoup travaillé pour vous. Saluez Andronicus et Junias, qui me sont apparentés et ont été en prison avec moi. Ils sont très estimés parmi les apôtres, et ils sont même devenus chrétiens avant moi. Saluez Ampliatus, mon ami dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon de travail dans le service du Christ. Et mon cher Stachys. Saluez Apelles, qui a donné des preuves de sa foi en Christ. Saluez les gens de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez les gens de la maison de Narcisse, qui croient au Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Et ma chère Perside, qui a beaucoup travaillé pour lui. Saluez Rufus, ce remarquable serviteur du Seigneur. Et sa mère, qui est aussi une mère pour moi. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les autres frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Néré et sa sœur, Olympas et tous les membres du peuple de Dieu qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres d'un baiser fraternel. Toutes les églises du Christ vous adresse leur salutation. Je vous le demande, frères, prenez garde à ceux qui suscitent des divisions et égarent les croyants en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car les gens de cette espèce ne servent pas le Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par leurs belles paroles et leurs discours flatteurs, ils trompent l'esprit des gens simples. Tout le monde connaît votre obéissance au Seigneur. Je me réjouis donc à votre sujet, mais je désire que vous soyez sages pour faire le bien et purs en évitant le mal. Dieu qui donne la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Timothée, mon compagnon de travail, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents. Gaius, l'hôte qui me reçoit et chez qui se réunit toute l'Église, vous salue. Eraste, le trésorier de la ville, et notre frère Quartus, vous salue. Et moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre sous dictée. Je vous envoie mes salutations chrétiennes. Louons Dieu. Il a le pouvoir de vous rendre fort dans la foi, selon la bonne nouvelle que j'annonce, le message que je prêche au sujet de Jésus-Christ, et selon la connaissance que nous avons reçue du plan secret de Dieu. Ce plan a été tenu caché très longtemps dans le passé, mais maintenant, il a été mis en pleine lumière, par les livres des prophètes. Conformément à l'ordre du Dieu éternel, il est porté à la connaissance de toutes les nations pour qu'elles croient et obéissent. À Dieu, seul sage, soit la gloire, par Jésus-Christ, pour toujours.